1, AK 9, 3, la relève frère, charismatique, Onesu, c'est la relève à K93, c'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. C'est la relève à K93, c'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. On déboule, les autres rappeurs eux s'écoulent. Dans la rue on serre les coudes, suffit de porter ses couilles. Sur toi mon frère on ricale, t'as dû voir le flow gricain. C'est du gros bif que je réclame, tu sais je découpe la zikin. Écriture, travail forcé, pour être au top de ma forme. On t'informe, je suis lancé, du nouveau truc que j'apporte. Viens pécho au bas du dog, y'a de la BR à Bibi. On escorte les Yankees sur terrain, c'est pire qu'à Clickly. Vas-y barre-toi de là, si tu crois que faire le Mac paye. Ici on t'allume, remballe tes casques à tes pas dans Max Payne. Mais viens par ici, négro j'ai du mal ici. Donne-moi du bif, me casse voir un autre monde en Malaisie. On vise le putain putain, que des zéros dans mon putain. J'aime pas la boule à zéro, encore plus les fils de putain. C'est tout le monde, on s'en bat les couilles, on tire sur tout le monde. C'est pas à toi de me dire de rester cool, on peut voir tout le monde. C'est la rue qui nous a eu, on a débarqué tout nu. Banalisé, analysé sur les chemins, anti-rusé, anti-porcé, anti-poucave. On sort tout droit des faves, on veut éviter la cage, on veut tourner la page, on DDD et bas. Les MC, ils sont là, ils chauffent dans le barbac. Ouais, c'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. Qui peut nous test, qui peut nous test. La relève, on te laisse à terre. Négro, y'a plus de temps à perdre. Il faut qu'on sorte de la merde. On met des deux, y'a n'importe qui. Dans la tête, ça fout du n'importe quoi. Putain, ça manque de yé. Puis qu'est-ce que tu fais dans mon œuf? Toi, les mecs comme toi. Chez nous, on n'en veut pas. Une petite dose pas pour te dire, MC, qu'on plaque pas. La Tessie, c'est chez moi. MC, faut pas que tu rentres là. Tu peux demander à Senso, il faut que tu checkes ça. Ma rue là, mon 9-3, y'a trop de gangsta. Demande à MOH, on sort la K9-3. C'est ça, mon gars. Depuis petit, j'kiffe le peurat. Ça fait des points que j'écris pour mes gars. Le rap se distille dans mes gènes. C'est pour ça que j'ai de la haine. On est tous comme des hyènes. Quand une chienne passe en pop, j'cayenne. Toi, tu casses des cochons et moi je casse des MC. C'est pire qu'une boucherie. Tu peux demander à la relève quand je rappe, c'est une tuerie. Prête-moi ta plume si tu veux pas que je te fume. J'ai envie de me faire des thunes. Dans ce rap y'a beaucoup de catins, comme certains qui font les grosses putains. Je suis un vrai onésien cousin. Tu peux demander à cet enfant de putain. Fuck les mathématiques, je fais partie de charismatique. J'ai une grosse équipe, donc sucez-nous la bite. Chez nous c'est déconseillé au moins de 18 ans. Mon petit enfant, l'Erika coup de crosse dans tes dents. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise. C'est la relève à K93. C'est le son qui te soulève, qui sort la braise. On arrive, on débute un cauchemar balèze. C'est normal, on détruit, on est trop à l'aise.